Êtes-vous prêt pour un peu de nouveauté? Le poste d'écoute est maintenant ouvert. Bonjour et bienvenue dans le poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. Je m'appelle Mathieu Plante. Cette émission va être en grosse partie, en majeure partie francophone. Il va y avoir entre autres le nouvel album Brise-Glace de Guy Philippe Wells. Il va y avoir Ravacol avec Coloriage. On va aussi entendre Eugène et le Cheval avec Briser le corps. La question avec Affranchi. Olivier Adou avec La Grâce matinée. Daniel Roy avec Échantillon. C'est beaucoup de choses, mais on commence avec quelque chose que je sais que vous allez aimer. Il y a bien des gens qui aiment ça, c'est la mode en ce moment. Le nouvel album de Numéro est sorti. Il s'appelle Le Sport de Combat. Et tout de suite, voici Tonton Klaxon dans le poste d'écoute. C'est Fou 89.1 FM, c'est la radio campus de Trois-Rivières. Poste d'écoute. sur la peau. 100% à la vie. Mais non, moi jamais mort. Dans mes mains le futur. Sans toucher. Je sais que là-bas ils attendent. Tout autour. Méduse de numéro dans le poste d'écoute au 89.fm. Avant ça, c'était la pièce Tout est parfait. On a débuté avec Tonton Klaxon. Ça vient de leur nouvel album Sport de combat à ce groupe numéro qui est pas mal meilleur que je pensais. Je me rappelais pas d'aimer ça autant. Numéro, très bon. En passant, ils vont être en spectacle le 17 avril à 21h au Téléphone Rouge de Sherbrooke et puis le 29 avril à 21h au Studio Théâtre de la salle André Mathieu. Ça, c'est à Laval. Lisons quelques extraits de leur très gentil document de presse rempli de compliments comme toujours. Combattant de premier ordre sur les fronts de la pop narquoise et réfléchie, numéro est de retour en force avec son deuxième album Sport de combat, une suite imprévisible qui esquive toute attente à leur populaire L'idéologie des stars. Sport de combat représente incontestablement une proposition audacieuse et ambitieuse qui n'est pas sans évoquer la mise en abîme mélodieuse du quotidien de boxeur qui s'en prendrait à sa propre image. Sport de combat évoque le parcours toujours victorieux de l'homme qui ne craint pas le plus dur des jugements qui soit, c'est-à-dire le sien. Allez voir myspace.com/j'aime-numéro ou encore j'aime-numéro.com pour en savoir plus sur cette formation. Et leur plus récent album s'appelle Sport de combat. On passe à Guy Philippe Wells qui nous envoie l'album Brise-glace. On commence tout de suite avec la pièce titre dans le poste d'écoute. On découvre les nouveautés musicales pour la première fois, tous ensemble, à C'est fou 89.1 FM. L'aventure humaine. si les cons se font la guerre, jusqu'à Saturne ou Jupiter, accepter notre nature précaire, qu'on y trouve le noir, la lumière, c'est l'expérience énergumène, l'aventure humaine. Même si on ne passe sur la Terre qu'un court instant, une étincelle, si la trajectoire éphémère est à la fois cruelle et belle, c'est l'essence de tout ce qu'on aime, l'aventure humaine. Dire des niaiseries, tout seul avec mon youkou sur la galerie. besoin de se jaser. Guy Philippe Wells avec Pergélie Seule dans le poste d'écoute. Avant ça, c'était L'Aventure humaine. On débutait avec Brise-Glace, avec de son nouvel album qui s'appelle aussi Brise-Glace. Parlons un petit peu de ce Guy Philippe Wells. Je me rappelle d'avoir déjà entendu ce nom-là. Je me rappelle de la pièce La Vie Visa, qui est d'ailleurs sur son MySpace, au myspace.com/ Guy Philippe Wells. Après le coup de cœur, et là je lis du document de presse encore une fois, donc envoyé par lui-même. Après le coup de cœur de la critique pour son premier album Futur Antérieur, plus de 70 spectacles au Québec, au Nouveau-Brunswick et en France, Guy Philippe Wells brise le silence et nous revient enfin avec un nouvel opus, son EP plus frais, Brise-Glace. Si le premier album avait été une révélation, on retrouve ici la même générosité dans les propos, la même plume aiguisée, provocatrice et un brin ludique. L'auteur, compositeur, interprète et ex-homme politique se montre fidèle à lui-même. L'œil à l'affût, Louis Fine, la main tendue. Il vit à l'heure des grands bouleversements et malgré ce paysage tout de glace recouvert, les sujets chauds n'échappent pas à sa vigilance. Allez voir MySpace, comme je le disais, pour revoir une vidéo promotionnelle pour Brise-Glace. C'est l'artiste montréalais, myspace.com/GuyPhilippeWells. Voilà pour les détails. Il y a aussi rgpwells.com si c'est plus facile à retenir pour vous. On passe à la formation Ravachol. Je vais le prononcer comme ça parce que je trouve Ravachol pas très chic, mais c'est peut-être le nom, mais qu'en sais-je. L'album s'appelle Coloriage. Il y a plusieurs pièces là-dessus avec des noms bizarres comme Gastro, hein, ou bien Fièvre. Des noms de maladie, c'est toujours très gagnant comme nom de pièce. On commence avec Jazz, et là c'est Jazz avec un D au début, D-J-A-Z-Z. Tout de suite, et c'est une pièce très très longue de 11 minutes, on se retrouve après dans le poste d'écoute. Assez fou dans vos oreilles. Si vous venez de s'intoniser, c'est fou, ce n'est pas un défaut, c'est bien dans la pièce, juste pour être sûr que vous êtes au courant. Thank you. Restez avec nous, le poste d'écoute revient dans deux minutes. Le poste d'écoute. Moi-même à mon visage et immobile, je reste là et j'attends. La poussière s'accumule et je deviens sale. Très sale. Ravacol, qu'on vient d'entendre dans le poste d'écoute, c'était spécial, hein? L'album s'appelle Coloriage, la pièce s'appelait Ça fait. Avant la pause, on a entendu la très longue pièce jazz avec un D. Parlons de Ravacol, qui est un trio noise rock formé en 2006 et orienté sur l'expérimentation, l'improvisation et la composition en groupe. L'album Coloriage est le fruit de leur première année de travail, construit d'abord à partir de multiples sessions d'impro. Ce disque explore diverses sonorités attribuées au métal, à la musique électronique et à la musique bruitiste, ce qu'on appelle donc le noise. Dans la forme et le son, les pièces voyagent entre le construit et le déconstruit, le référentiel et l'abstrait, le minimalisme et la complexité. Dans les textes, Coloriage exprime une certaine frustration envers la paresse ambiante du monde. Ravacol travaille présentement à l'enregistrement de son prochain disque Claudius, pièce de 35 minutes pour deux guitares, batterie et bande. Allez voir myspace.com/groupe-poil pour en savoir plus sur Ravacol. Là-dessus, ça dit qu'il vient de Montréal et puis il y a des pièces aussi à écouter. Donc myspace.com/groupe-poil et leur maxi s'appelle Coloriage. On passe à Eugène et le cheval. L'album s'appelle Briser le corps. Ça aussi, c'est un maxi. Seulement 5 pièces là-dessus. On commence avec les antibiotiques. Ça se passe maintenant à l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la première fois sans les avoir entendues à l'avance. C'est le poste d'écoute au 89 FM. C'est fou! Hey! 'Eugène et le cheval avec Fille plastique, précédé de La Chauve. On a débuté avec Les Antibiotiques. C'est bien de leur maxi. Briser le corps. Oui, le corps, c'est bien ça. C'est la fin de la première heure du poste d'écoute. On va parler un petit peu d'Eugène et le cheval pendant les secondes qu'il nous reste. C'est une nouvelle formation musicale. C'est aussi un album gratuit en ligne maintenant. Briser le corps est le premier album d'Eugène et le cheval, le nouveau projet musical de Pierre-Paul Giroux et Philippe Saint-Denis. Les 5 pièces sont offertes sur le site web du groupe au eugeneetlecheval.com. Vous pouvez aussi aller voir myspace.com/eugeneetlecheval. Il y a plein d'informations sur le groupe là-dessus, une biographie et plein d'autres choses. Voilà donc pour la fin de la première heure, on se quitte. Nous, les gens du vendredi, on va l'entendre les nouvelles, mais les gens qui nous écoutent dans les rediffusions du samedi et du mercredi, vous allez entendre une autre pièce de Eugène et le cheval, c'est Armes de choix. Donc restez là pour ça. Et puis on se retrouve dans, je sais pas, quelques minutes à peine dans le poste d'écoute. Restez avec nous. Il y aura des guerres sans nom, des guerres de nom. C'est la deuxième heure du poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. Je m'appelle Mathieu Plante. Cette deuxième heure va être très variée. Il va y avoir le nouvel album de Ripes Up. C'est de l'électronique, j'aime beaucoup ça. Il s'appelle Junior. Il va y avoir Daniel Roa avec Échantillon, Olivier Adou avec La Grâce Matinée. Mais on commence avec la formation Lac Estion. Leur album est Affranchi. Et tout de suite, voici Compliqué Vida. C'est juste un mot, Compliqué Vida. Dans le poste d'écoute, c'est fou, 89.fm. Je comprends à chaque instant. solution pour vivre dans le futur. Y'a pas grand chose dont je suis certain, à part le fait que je comprends rien. Dis-moi pas vivre dans le présent, si tout ce que je fais c'est compliqué. La question avec Dictature dans le poste d'écoute, c'est leur album Affranchi. Avant ça, c'était Et moi. Et on a débuté avec Compliqué Vida. Ils sont bons dans les jeux de mots, eux autres. Et moi. Mais non pas Et moi, ça. Eux aussi nous ont envoyé un document de presse, donc ils ont un peu moins de 6 mois après avoir lancé officiellement un EP ou un maxi en octobre 2008. Lac Estion, en deux mots, arrive ce printemps avec un album complet intitulé Affranchi. De courte durée, environ 28 minutes, l'album présente des chansons directes, franches et évocatrices. Outre son côté cynique et tourmenté, Lac Estion se permet aussi deux pièces plus éclatées, recettes et vacances, qui flirtent quelque peu avec l'absurde. Voilà donc pour la formation Lac Estion. Leur album est Affranchi. Ils vont être, et là je regarde la date d'aujourd'hui, nous sommes en direct le vendredi 3 avril. Ils vont être les 7, 8 et 9 avril au Lion d'Or de Montréal pour les demi-finales des Francs Ouvertes. On leur souhaite bonne chance. Ils vont être en spectacle pour CRSL, la radio du Cégep Saint-Laurent. Ça c'est le 10 avril au Quai des Brumes à 21h. Et finalement, ils vont être au Zoo Bizarre avec Airwom. Ça, c'est le 27 mai au Zoo Bizarre. Ça commence à être loin, mais c'est à Montréal. Ils vont aussi passer par Saint-Jean-sur-Richelieu. Allez voir myspace.com/lac, L-A-C, puis Estion, E-S-T-I-O-N. Et là-dessus, ben, ça dit aussi qu'il y a une biographie, il y a les membres du groupe, il y a de la musique à écouter, comme pas mal tous les MySpace de tous les groupes du monde. Hein? Bref, si vous savez ce qu'il y a là-dessus. On passe à Olivier Adou. Son album est La Grasse Matinée. Là-dessus, on retrouve un petit animal. Je sais pas en quoi il est fait, mais il est à l'avant-plan avec le nom du gars et le nom de l'album écrit dessus. Et puis à l'arrière, on voit le gars. J'imagine que c'est Olivier Adou lui-même en train de jouer d'un instrument à cordes quelconque sur son lit. C'est tellement mignon. C'est La Grasse Matinée. C'est ça, c'est l'album. Voilà. On va d'ailleurs commencer avec la pièce titre La Grasse Matinée qui va être suivie de It's Okay to Feel Lonely. Dans le poste d'écoute, vous n'êtes pas seul. Vous êtes avec moi, Mathieu Plante, pour encore un bon petit bout. Un long bout, quand même. Mettons la moitié de l'émission. Un courant l'a fait changer. Un courant l'a fait changer. De direction ensorcelée. Un amant d'une belle maîtresse. Un amant d'une belle maîtresse. Qui l'attend toujours sans cesse. Il s'éloigne trop bien loin d'elle. Il s'éloigne trop bien loin d'elle. Son navire l'emmène au ciel. Il fait la grâce matinée, la tête sous l'abri. Perdu dans ses pensées, il reste prisonnier. Un désir le martyrise. Un désir le martyrise. C'est la joie de vite s'enfuir. C'est la joie de vite s'enfuir. Prenant l'amour dans ses bras. Prenant l'amour dans ses bras. Et prenant soin qu'il s'ennuie pas. Souvent de retourner, souvent de retourner, voir la belle lui confier, voir la belle lui confier, qu'il a peur de se dévouer, qu'il a peur de se dévouer, et de jamais plus quitter. Il fait la grâce matinée, la tête sous la brise. Ses pensées, il reste prisonnier. Mmh. ravir sur un rocher. Un triste sort s'est déroulé. Vite au fond où il est coulé. Il fait la grâce matinée, la tête sous la boue. Peur du temps, ses pensées, il reste prisonnier. La grâce matinée, son cœur tendu. Il y reste prisonnier de ses désirs. It's okay to feel lonely, and it's alright. Some go against the grain, some cut down without shame. Some eat up all the fun, some dread the Monday sun. Some chaos in their lives, some much to organize. And some protest in vain, while some will never change. And I know it's alright, 'cause the truth in what you see lies caught there in between. To show. No two lives can share the same reality, so it's okay to feel lonely, and it's alright. Some let the tune run out. Some easily content, some seek the riches end. Some dream up a new style, some cling to best for lies. And I know it's alright, 'cause the truth in what you see lies caught there in between. Goes to show that no two lives can share the same reality, so it's okay to feel lonely, and it's alright. It's okay to feel lonely. It's alright. It feels so fine to be lonely, and it's alright. Si je demande une anse à ta copine, est-ce que tu vas me parler de tous les hommes qui t'ont quitté de nécessité? Ils étaient tous tannés d'entendre la vie racontée en toute misère. C'est bien plus clair quand toutes les bonnes nouvelles sont rassemblées en fait. Que t'ignores à tout prix. Je préfère danser et partir en délire. Sans rien et de soupir avec ta copine qui fait lever mes deux sourcils. Elle provoque mon désir. Mais quand même, on aime aussi, aussi on aime. Considérer ce qui va bien. Mais quand même, y a des moyens, on le sait bien, d'intégrer de la joie dans la vie. Essaye donc de t'écouter parler. Dès qu'on ne fait terminer souvent en expliquant le sens du mot macabre. Le fruit de ton désespoir. Quand on se balade et bande en fleurs paraissent en arrière-plan, tu restes figé en décrivant la couleur du trottoir. Pendant que je roule mes yeux, et même moi je commence à me fatiguer en tolérant tous les récits qui passent après-midi dans mes oreilles. Ça tourmente ma joie de vivre. Quand même, on aime aussi, aussi on aime. Considérer ce qui va bien, mais quand même, y a des moyens, on le sait bien, d'intégrer de la joie dans la vie. Cinéma pour voir une comédie qui fait parler les gens depuis des semaines. Et quand tout le monde éclate de rire, eh bien moi je ris aussi. Je ressens ton manque d'expression et ton regard absent. Je me rends compte que c'était pas des rides de la soirée. D'un air désenchanté, on sort après pour un café. Tu t'endors stimulant la patache et l'exercice en effet miracle. Et tu tombes dans ta tarte. Mais quand même, on aime aussi, aussi on aime. Considérer ce qui va bien, mais quand même, y a des moyens, on le sait bien, d'intégrer de la joie dans la vie. Mais quand même, on aime aussi, aussi on aime. Considérer ce qui va bien, mais quand même, y a des moyens, on le sait bien, d'intégrer de la joie dans la vie. La ta ta ta ta. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Les trois premières pièces de l'album de Olivier Adou, La Grâce Matinée, suivie de It's Okay to Feel Lonely. On vient d'entendre La Valse à te quitter. Parlons de Olivier Adou. Après 2 ans de spectacle, de création musicale et d'enregistrement, Olivier Adou entame une nouvelle trajectoire plus fortement ancrée en poésie avec un deuxième disque, La Grâce Matinée. Et là, je suis en train de lire son document de presse. Avec de l'instrumentation acoustique, des textes en français et en anglais et une forte dose d'improvisation, La Grâce Matinée retient certaines caractéristiques du premier enregistrement Pêche au rêve. Cependant, cette fois-ci, le Montréalais s'est dévoué davantage aux textes et aux arrangements. Il a aussi invité une douzaine d'amis musiciens à participer à la réalisation du projet, ce qui ajoute à la diversité des textures sonores. Le disque est disponible en ligne sur olivieradou.com en format physique et numérique. Vous pouvez aussi aller voir le myspace.com/olivieradou pour en apprendre un plus sur lui. On reste dans le francophone, il nous reste un seul album à aller entendre. C'est celui de Daniel Roa. R-O-A. Il s'appelle Échantillon et tout de suite voici le nombril du monde dans le poste d'écoute. On découvre les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble à C'est Fou 89.1 FM. C'est la radio campus de Trois-Rivières. Mmh. antichaîne et ta psy. Jour après jour, mais y'a des pires façons de faire des allers-retours. Puisque t'as les moyens de les payer quotidiennement, tu pourrais mieux t'éduquer sur la question des immigrants. Au lieu d'engueuler le chauffeur chapeauté d'un turban, demande-toi qui d'entre vous parle avec un accent. N'est-ce pas tout simplement question de circonstances, toi qui te prends pour l'héritière de la Nouvelle-France? Par contre, c'est difficile à avaler, puisque comme nous tes grands-grands-parents, on fait la traversée, tout comme les autochtones avant les divorces tectoniques. À qui elle appartient cette maudite Amérique? Le nombril du monde. Depuis quand? Toute la planète t'appartient. Adam et Ève n'auraient pas d'être sur le ventre, aucun cordon à couper. Liaison palpitante, créée à l'image d'un corps invisible, sauf à la fois on s'entend. Le primate sociable très adroit, descendu du cèdre ou plutôt du bananier pour aboutir au zoo dans la cage la plus fréquentée. Peut-être que ce sont eux qui sont libres, les chimpanzés, et nous les prisonniers de nos consciences trop aiguisées. La preuve, nos singeries de tous les jours qui font la une, et tout ce qu'on sait faire de l'arme, c'est le passé à l'aiguine. Restons agenouillés dans l'espoir de nos prières, que notre évolution apportera la paix sur terre. Le nombril du monde. Le nombril du monde. C'est rassurant à voir. Le nombril du monde. Je suis heureux de croire que nous sommes descendus des arbres. Poste d'écoute. Je t'ai promis qu'un jour je t'en écrirai une, plus belle que tu te l'imagines. J'avais dit que ce serait à longue haleine, pour éviter que je la méprenne. Et notre histoire commence à peine. Si je ne te chante pas des mots d'amour, c'est parce qu'on se les dit à tous les jours. On se serre dans les bras pour toujours. C'est difficile, on ne voudrait pas faire mine rien. Même nos tempêtes nous font du bien. Facile de dénicher les justes mots, malgré qu'on porte le même flambeau et qu'on se donne ce qu'il y a de plus beau. Oh. si je ne te chante pas tes mots d'amour, c'est parce qu'on se les dit à tous les jours. On se serre dans les bras comme pour toujours. Wow, pièce assez provocante de Daniel Roy, c'est bien de son maxi Échantillon. C'est la pièce Une Voyelle, avant ça c'était Des mots d'amour, on a débuté avec Le Nombril du Monde, qui est la pièce titre de son futur album. Lisons un peu dans son document de presse, très bien fait. En fait, je m'attendais pas du tout à ce genre de musique-là, il me semble, en regardant ça, ça a l'air genre de l'électro, je sais pas trop quoi, tu vois, genre le gars debout derrière son propre nom. Je sais pas, il a l'air de pas faire de ce genre de musique-là. Daniel Roy nous livre enfin son premier album solo, dit-il. Lancement prévu au printemps 2009, l'album Le Nombril du Monde marquera l'arrivée sur la scène nationale et internationale d'un talent original, audacieux, sûr d'en jouer corps et esprit pour la grande route prévue. Daniel Roy, nouveau philosophe dans la mosaïque du pop francophile et de la chanson française. Son arrivée sur la scène, pourtant, ne date pas d'hier. Lauréat du gala Manitobain 2006 et du Chantouest 2006, où il avait reçu le prix du public, ainsi que demi-finaliste au Festival international de la chanson de Granby en 2006. Daniel a développé son art de chansonnier mûri des aléas de carrière de musicien professionnel, etc. Avec Le Nombril du Monde, Daniel Roy nous propose une première incursion dans son univers musical fougueux. Relevé de textes empreints d'intelligence, d'humour et de candeur, c'est lui-même qui dit cela. Mordu de la chanson, amoureux des mots de la vie, dénonciateur, farceur et rêveur, Daniel nous présente son pop alternatif miné de sonorités originales dans un style tout à fait personnel. Pas très intéressant comme document de presse. Bref, Daniel Roy, son album Le Nombril du Monde sort au printemps 2009. Nous, on a reçu les échantillons. C'est déjà presque la fin de la deuxième heure. On va avoir le temps d'entendre un peu de Rooksop. J'adore ça, écouter du Rooksop. Leur nouvel album, on vient tout juste de le recevoir, s'appelle Junior. On commence avec la pièce Happy Up Here. Tout de suite, dans le poste d'écoute, assez fou au 89.1. On vient d'entendre Rikes Up avec The Girl and the Robot de leur nouvel album Junior ici dans le poste d'écoute. Avant ça, c'était la pièce Happy Up Here. Et c'est très bon, on va en entendre d'autres dans quelques secondes. Mais avant ça, je dois vous dire que c'est la fin de la deuxième heure. Donc, les auditeurs du vendredi, on va entendre tout de suite la pièce Vision One de Rikes Up et les auditeurs des rediffusions des samedis et, et des mercredis. Hein, il y en a juste un parfois, un samedi, un mercredi. Vous allez entendre d'autres pièces de Rikes Up, qui est un groupe d'électronica de Norvège. Oui, rikesup.com, R-O-Y-K-S-O-P-P.com ou encore myspace.com, la même chose, appelée ou dit de meilleure façon que moi, probablement. Allez voir le www.unechance.com pour tous les liens de l'émission de cette semaine et pour télécharger la balado-diffusion en MP3, www.unechance.com. Là-dessus, il y a aussi mes autres émissions, CNX, Les Palmarès assez fous et les émissions de mon ami Kiwan, La Dernière Porte à Gauche et Respecte les Dauphins. Tout ça dans une espèce d'amalgame sur le blog unechance.com. Voilà donc, pour terminer la deuxième heure, Rikes Up et la pièce Vision One, et on se retrouve tantôt. Restez avec nous! Oh, Bonjour, c'est la troisième et dernière heure de ce poste d'écoute où on découvre les nouveautés musicales pour la première fois en même temps que vous. On reçoit des CD pendant la semaine, on les déballe, on les écoute et on ne les a jamais entendus avant. C'est le principe de l'émission. Cette troisième heure va avoir, comme toujours, de la variété. Je le dirai jamais assez, je le dis à chaque début d'heure, j'ai l'impression. Depuis toujours, mais bon. Il va y avoir là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Du Attack in Black et la formation canadienne de Discount. Mais on commence avec une formation qui s'appelle The Decemberists. Leur nouvel album est The Hazards of Love. C'est comme les Dukes of Hazzard. Chérie, fais-moi peur. C'est exactement ce qu'ils font, les Decemberists. C'est très bon, je le sais. Et j'ai hâte d'entendre ce nouvel album. On commence avec la pièce titre qui est précédée de son prélude tout de suite dans le poste d'écoute. Et ce prélude est interminable, comme vous allez l'entendre. Donc, je vais parler par-dessus. Allez voir le www.unechance.com pour la balado-diffusion en MP3 à chaque semaine et pour en savoir plus sur les artistes, parce que tous les liens sont là, dans l'ordre de leur diffusion. C'est une belle syllabe. Un bruit. Bref, vous êtes assez fous, 89.1 FM. La radio Campus de Trois-Rivières. Thank you. hear her plans were vexed. The tiger shifted strain. The beast began. You'll learn soon enough. The prettiest whistles won't wrestle the thistles undone. Daughter, The Decemberists et Bauer Scene précédent The Hazards of Love One, The Prettiest Whistles Won't Wrestle, The Thistles Undone. Et on a débuté avec Prelude, album très bien mixé, hein, qui fait que ça coupe pas mal sec à la fin des pièces, mais que voulez-vous, ça arrive. L'album s'appelle The Hazards of Love, et vous êtes dans le poste d'écoute. Donc, parlons de Decemberists, qui est un groupe de folk rock indie de Portland, en Oregon, aux États-Unis. Ils sont au myspace.com/TheDecemberists, ou encore Decemberists.com. Colin Malloy, Chris Funk, Jenny Conley, Nate Query et John Moon. Ils sont pas nouveaux sur la scène musicale, mais allez vous renseigner là-dessus. Au lieu de faire une biographie, ça ne me tente pas de faire ça. On va à la place passer un autre groupe qui est canadien. Il s'appelle The Discounts. L'album est Part 1. C'est le premier d'une série, c'est ce qu'on verra peut-être un jour. On commence avec Doing It Slow. Dans le poste d'écoute, au 89.1 FM. C'est dans vos oreilles. Before we didn't record more than the board tape on board lately, singing the blues. So I wrote something brand new just for you. Goes like this, listen up, cause I come with the talented tone. You know, some rock star on that microphone. Looking for the hook that's close to home. So get down the once on the double with no trouble. Love, whoa, whoa, whoa. Hold on a minute, we can rock and slow. No need to hurry, where can it go? You don't know, so forget what you've been told. We're doing this slow, getting it done. I ain't got you wrong. Taking my time, making myself known. Doing this slow, getting it done. I ain't got you wrong. Taking my time, making myself known. Well, I don't write rhymes on time, I rhyme in time with no deadline. I jiggle my spine, wiggle behind. Got my star rocking mics with rock bands and no fans. Mic in my hand and if you land, understand I won't forget folks who are raving. I'll burn and I'll learn ropes with. Now my hopes get up to a healthy level, making everyone, even you devils, believing. If you were a prick to me, you know who you are. Shit didn't stick to me, and now I'm far from any kid. You were trash. All your hecklers is my ass. Some asterisks in your faces in various places with races are nuts. What's the matter? Are you unable to say unstable three times? Fast, fast, fast. Let me get last, last longer and stronger than Listerine. Listerine. See you settling, igniting and exciting your children, burning their yearning for miscellaneous saniness, ridding them of riddling and ridicule for foolish behavior. Doing it slow, getting it done. I ain't got you wrong. Taking my time, making myself known. Doing it slow, getting it done. I ain't got you wrong. Taking my time. Yeah. their souls. Bunch of soul suckers with networks and noses up asses so massive it blows. And it sucks for the masses whose glasses is empty. Out on the street in the cold while these crazy men meet behind walls with no windows or women discussing disgusting. Who knows? We know we see how men these men can be. How still is there femininity? We know we see how men these men can be. How still is there femininity? Mad money gets mad men money. It's not funny. It's mad money. Money, it's mad man money, it's not funny, it's mad money. It's mad money, it's mad man money, it's not funny, it's mad money. It's mad money, it's mad man money, it's not funny, it's mad. Dependent on handouts for horrible things that brings them to think they have lives to spend. And it's business as usual to business impossible. Exhausting everything that's exhaustible. Accosting every cause that's an obstacle. But who pays the cost in full? It's mad money, it's mad man money. It's not funny, it's mad money. Mad money, it's mad man money. It's not funny. It's mad money. Mad money, it's mad man money. It's not funny, it's mad money. It's mad money, it's mad man money. It's not funny, it's mad. Finger licking and looking for a corner to piss in while listening to the reminiscing, reminiscing about war times and war crimes and more rhymes that ain't fun. Yes, my son, we comes from the wrong side of the track, but they took what we had, so now we're taking it back and taking a snack like back when I ate animals, gone from vegetarian to cannibal. It's delicious, you should give it a try. My favorite dish is Republican pie pie. Yes, I ate the president. I ate the president. Listening up, impeaching blood leeches, filling their cups half empty with promises, alibis, confounded speeches and downright lies. So we set loose the sacrificial scapegoat, barbecued a few officials to help a vote. Then I ate the president, tasted like chicken, sitting in the Oval Office, finger licking and looking for a pontificin, but listening to the missing, reminiscing. Yes, I ate the president. Discounts et I Hate the President, précédé de Mad Money et de Doing It Slow, ça vient de leur album Part 1. La formation canadienne de Discounts, c'est un groupe de funk, reggae, hip-hop au myspace.com/Conway Pacheco, quelque chose du genre. Passez par le site de l'émission, c'est plus facile, au www.chance.com. Mais quand même, je dois dire qu'ils ont une adresse web normale de discounts.ca qui est assez facile à retenir, mais pas autant qu'une chance.com, parce qu'une chance qu'on a une chance.com, tous les liens d'émission sont là-dessus et la balado diffusion en MP3 chaque semaine, il en manque même pas une de Discounts avec Part 1. On reste du côté canadien pour aller entendre une formation avec un nom connu dans, en tout cas dans notre radio ici, les gens connaissent Attack in Black un peu. Leur album s'appelle, celui le plus récent qu'on vient de recevoir, s'appelle Years by 1000 Fingertips. Et tout de suite, voici la pièce titre. Assez fou dans vos oreilles. Thank you. Attack in Black et Leaving Your Death in a Flower Bed. Avant ça, c'était Years by 1000 Fingertips dans le poste d'écoute. Et ça, ça avait leur album qui s'appelle aussi Years by 1000 Fingertips. Hein, je suis pas sûr du son de ça. Je suis pas certain. J'ai même pas envie d'en entendre une troisième. Mais bref, si vous voulez plus d'informations sur Attack in Black, allez voir myspace.com/attackinblack. C'est un groupe de Welland ici au Canada. Et puis, ils sont en tournée en ce moment canadienne. Ils vont passer par Montréal au mois de mai, le 16 mai à 20h au Il Moteur avec les Shotgun Jimmy. Allez voir attackinblack.com. Les membres sont Daniel, Ian, Spencer et Ian, un autre Ian. Et puis là, ben, je pense à mon affaire. Je sais pas. Peut-être que c'est moi qui leur donne pas une assez grande chance à Attack in Black. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, je sais pas. Je vous entends pas d'ici. Allez entendre tout de suite Birmingham dans votre radio. Pourquoi pas? On l'essaie. Je vais me faire une idée. C'est la fin. Restez avec nous parce qu'il nous reste encore Tin Star Orphans à écouter dans le poste d'écoute au 89.fr. Jack in Black et Birmingham de leur album Years by 1000 Fingertips. Oui, j'ai décidé de passer une troisième pièce et puis finalement, c'est pas si pire que ça. Je commence à aimer Jack in Black, mais c'est pas mon poste d'or par contre. C'est la fin du poste d'écoute de cette semaine, donc on va faire un petit tour de ce que j'ai aimé dans cette émission cette semaine. Il y a eu du Giffey Wells. Ça, j'ai trouvé ça moyen. Je me suis mis un trèfle à côté, je sais pas. Ça me tente de mettre des choses que j'aime pas mal, pas vraiment. Mettre un symbole à côté, faire un changement. Bref, il y a ça. J'ai aimé... La question, c'était bien. Le Decemberist, j'ai aimé aussi. Je pourrais dire qu'Attack and Black, c'était pas mauvais. Mais mon poste d'or cette semaine, c'est numéro avec Sport de combat. Je savais pas que j'aimais ça, du numéro. T'sais, on me disait que ça ressemblait à du TTC ou toutes les autres affaires, tout à la même mélodie. Numéro, je trouve ça un petit peu plus original. Musicalement, j'aime bien. Ça peut penser à d'autres affaires que j'aime, et ça, c'est toujours une bonne affaire. Bref, numéro avec Sport de combat, ça allait nulle part, ce paragraphe-là. Hein. On va faire un autre Enter, Enter. Et c'est la fin du poste d'écoute pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve vendredi prochain de 10h à 13h comme toujours. On rappelle les samedis à midi et les mercredis à 13h. Et dans ces rediffusions, il y a toujours 20 minutes de contenu additionnel. On va se quitter avec la formation Tin Star Orphans. Nous, on va entendre le vendredi seulement la première pièce. Elle s'appelle Juvenile Hall. Les auditeurs des rediffusions vont entendre, entre autres, Slack Jaw. Allez voir myspace.com/TinStarOrphans. C'est un groupe de Toronto en Ontario. Je vous rappelle d'aller voir le site de l'émission si vous oubliez quelque chose, si ça va trop vite pour vous, qu'il y a trop d'informations, allez voir donc le unechance.com. Là-dessus, il y a la balado-diffusion et tous les liens de chaque semaine, chaque émission à chaque semaine. Vraiment, je m'en vais nulle part, moi. Nulle part. C'était nul comme conclusion. À la semaine prochaine. Bye bye. Oh, three, four. Disease and it pierces my rat, no rats. Still, I'm now afraid to die. No, I'm not afraid. I'm singing.